L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de jeux vidéo. Il n'y a pas eu de chronique de jeux vidéo. C'est pas parce qu'on voulait abandonner le principe de jeux vidéo, pas du tout. C'est parce que tout simplement, c'est qu'on avait de la misère à se prendre du temps et à concorder nos disponibilités. Quoi qu'il en soit, on va faire une chronique sur la NHL 2020 qui est sortie. On en parle à Chronique Adieu. Salut René. Salut. René, d'abord, le jeu NHL 2020, comment que c'est? Est-ce que c'est bon? Oui, personnellement, je l'ai trouvé bon. C'est sûr que si on compare aux autres années, il n'y a pas des millions de changements, mais les changements assez qui font que c'est une bonne raison quand même de changer parce qu'on a modifié un paquet de trucs. Je ne sais pas si vous êtes, comme moi, je joue plus le mode carrière, franchise. Dans ce mode-là, ouais. On a fait beaucoup d'améliorations. Fait que c'est sûr, juste pour ça, ça vaut la peine de le jouer. Là. Disons qu'ils ont fait des modifications au niveau des coachs. Les entraîneurs ramènent maintenant de quoi avec le moral qui a influencé les joueurs. Il y a une affaire pour les échanges. C'est qu'on peut se faire proposer, mettons, on veut aller chercher, je sais pas moi, Piqué ou Weber, puis on est une autre équipe. Ben, on peut demander qu'est-ce que tu veux pour, puis on peut essayer de voir si on est capable d'accepter l'échange. Tu sais, il y a plein de trucs. On peut aussi mettre des femmes aussi à ce niveau-là. Fait que les femmes peuvent gérer de A à Z. Ah oui. Dans chaque domaine de coach, chaque place qu'il y a, on peut mettre des femmes si on veut. Fait que peu importe. Ça change pas grand-chose. C'est l'avatar qui change, mais ils ont tous des personnalités. Mettons, un coach doit t'emmener un peu plus au niveau de la rapidité. D'autres au niveau de l'entente entre les joueurs. Il y en a d'autres qui, okay. Puis quand tu vas faire tes lignes, mettons, ça va modifier au niveau-là. C'est, mettons, t'as des joueurs qui marchent pas ensemble. T'as beau avoir un Crosby, mais peut-être que tu ne fais pas dans le plan de jeu de ton entraîneur. Fait que ça va donner des petits points négatifs là-dedans. Ça va baisser un peu ses stats. Okay. C'est chaque aspect. Ils ont mis ça plus réaliste. Fait que juste ça, c'est vraiment merveilleux pour ceux qui aiment ça. Ils ont amélioré les modes tree, l'échelle trees, puis on won. C'est qu'on jouait à trois joueurs contre un gardien, puis il fallait marquer le plus de buts. Mais on peut les jouer maintenant en local contre nos amis. Les deux, on peut les jouer à la maison. Les deux ont les formes de tournoi qui nous permettent de gagner des items pour personnaliser nos joueurs ou des points pour justement s'acheter des cartes dans l'Ultimate Team. Peut-être plein de changements de même qui sont le fun. Au niveau des animations, ils ont modifié les animations des patineurs, quand ils frappent la puck. Là, mettons, on a on va avoir le fameux genou à terre de Ovechkin. Ça fait le même. La stature que les joueurs prennent pour frapper ils ont fait les animations là. Ils ont aussi amélioré l'intelligence. C'est que, mettons, quand on va faire une passe à notre joueur, en avant, pendant qu'on est en attaque, mais le jeu arrête pas. Tu sais, avant, il y avait comme une petite minute, on dirait que le jeu arrêtait quelques secondes, quelques minutes, s'en allait, mais là, le puck s'en va en direction aussi. Fait que si on veut faire un lancer frappé ou quoi de même, ça augmente le jeu, ça augmente les échappées, ça augmente beaucoup à ce niveau-là. Fait que c'est juste ça, c'est des petites améliorations qui rendent le jeu plus fun avec les modes de jeu. C'est sûr que, tu sais, en ligne, c'est toujours une bonne expérience. Il y a beaucoup de monde qui vont faire le World of CHL, aussi, qui vont jouer avec un joueur puis vont aller affronter d'autres équipes. Ça, ils ont fait des petites améliorations au niveau des petits défis quotidiens qui permettent de gagner des trucs. Ils ont amélioré ceux qui diffusent un peu le jeu sur ton Twitch ou les affaires de même. Ils ont amélioré quand on gagne des cartes, ça a modifié une petite animation plus belle. On a aussi les vieux joueurs des équipes avec des Gretzky, des Lemieux, des compagnies. Puis eux autres, on peut les mettre dans la saison si on veut. Fait que, ils ont fait beaucoup d'améliorations. OK. Est-ce que ça veut. Les Nordiques, c'est-tu vrai qu'il y a les Nordiques? Tu peux avoir les Nordiques, oui, en choisissant en Colorado, il a dit de même, mais il y a aussi... Non, mais ça a l'air que tu peux jouer avec Michel Goulet, Peter Stachny, puis... Il va faire partie des joueurs, justement, les joueurs légendaires, tu vas pas aller les chercher, oui, chez une femme, j'ai vu ça passer, mais c'est dans les... Il faut que tu les débloques, je pense, dans le Ultimate Team, à moins qu'ils soient dans les légendaires. Là, honnêtement, j'ai pas trop cherché à ce niveau-là, mais oui, je pense que c'est possible de jouer avec eux autres, parce qu'on peut même jouer avec Boom Boom, puis tout ça, là, y a plein d'améliorations qu'on va aller chercher, puis... Tu sais, t'as des légendes, dans les légendes, t'as des légendes, des choses, pas la même que tu peux mettre. Ils ont mis le paquet, t'as beaucoup de joueurs. Puis comme tu as dit, admettons, c'était la patience de toutes les envoyer, mettons, dans les équipes avant de commencer ta franchise. Mais tu peux repêcher, justement, des Lemieux dans ton équipe, aller chercher Crosby ou tout ça, puis jouer, mettons, Lemieux et Crosby ou des affaires la même. Modifier ton alignement, fait que quand tu vas commencer ta franchise, les autres vont être là, puis tu peux pas t'amuser avec eux autres. Tu t'attendrais de faire un team, mettons, complet de légende, mais tu crées ton équipe, tu mets ça, tu mets les légendes, puis tu les envoies dans le mode franchise ou de saison, puis justement, tu fais toute cette équipe-là pour jouer avec eux autres, puis ça te permet de voir. C'est bon, ça. Mais c'est sûr qu'ils sont. Dans mode franchise, moi, je joue dans franchise, OK? Je peux prendre l'arrivée puis faire avoir mon équipe des Nordiques, c'est ça? Ben, tu pourrais créer l'équipe, oui. OK. Faut que tu aies télécharge. Ça doit être un peu comme au baseball avec NMB Show. Faut que tu mettes les à jour et ainsi de suite. Ben, je pense qu'ils sont dans, si je me trompe pas, ils sont dans, c'est comme notamment quand on fait les effectifs, le mouvement des effectifs, ben, ouais. Un peu plus bas des paramètres, un peu plus loin, il y a un mode des effectifs. Mais à partir de là, tu peux justement accéder à les équipes. Il y a l'équipe légendaire en bas. Je sais qu'il y a des, ben, j'ai pas été trop joué avec ça. Okay. J'ai vu les Gretzky et les affaires de la même, là, mais j'ai pas été joué avec les légendes trop. Mais là-dedans, fait que je présume que t'as les goulets tout ça là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu prends faire, admettons, dans ton équipe, admettons, t'as créé les Nordiques parce que le logo est disponible dans le quand tu crées ton équipe au milieu dans le mode expansion, ben franchise a été expansion à 32 équipes. Hein. Ouais. Ou peu importe, tu peux remplacer ton équipe puis la mettre là. Mais tu peux créer justement ton dans la création d'équipe, tu crées tes Nordiques, les couleurs comme il y avait, puis les logos. Puis tu vas chercher les joueurs que tu veux, ceux qui ont saqué les affaires-là, fait que tu vas chercher eux autres, tu les emmènes là, puis tu vas jouer avec. Dans ta franchise, tu peux les contrôler, eux autres, tout le long, jusqu'à ce qu'ils décident de prendre leur retraite ou jusqu'à ce qu'ils se blessent, peu importe. Là, ça, il y a quand même les notions du mode franchise. Puis je sais pas s'ils ont mis à 20 ans ou à 40 ans. Je sais pas si c'est les années qu'ils jouaient ou pour l'âge. Fait que, ça peut avoir un petit changement au niveau de ta franchise. Mais sinon, donc, tu peux les mettre dans une saison facile avec eux autres puis jouer contre... les McKinnon, les okay. McDavid et compagnie. Hein. Est-ce que les entraîneurs sont là cette année? Tu sais, Claude Julien, ainsi de suite. C'est ça le sport qui a pas ça, là. Ça faisait un petit non, peu... Ont... Ça faisait un peu poche. Ça fait un peu poche, là, on va se le dire, là. Non? Ouais, ben, c'est ça, j'ai demandé la question, parce que nous, on avait été en entrevue, justement, on avait pu jouer un peu en sortie. Puis j'ai demandé, puis il a dit, non, on l'a dit cette année, on s'est concentré à vous offrir le moral des joueurs. T'sais, on a dit vraiment un aspect que le coach amène, mais il n'y a pas les vraies faces. Puis il a dit ça, c'est parce que dans le fond, il y a trop de changements, ça change tellement trop souvent. Ah oui, mais ça m'a fait dans les autres sports. Ouais, je sais, mais ça, c'est ce qu'il disait pour s'excuser. Il n'y a pas d'autre vraiment de raison. Il n'y a pas de raison vraiment valable comme les lignes en français. Ils pensent, mais il ne faut pas oublier que NHL, c'est l'enfant pauvre de IE. Ils ramassent les restants, puis s'ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de primer sur un autre jeu, mais ils vont enlever des développeurs-là, ils vont les envoyer sur les autres jeux. Mettons qu'ils sont encore dans Madden ou quoi de même une année, ben. On disait, toi, tu t'en es travaillé sur Madden, puis les autres, ben, continue sur NHL, on va se débrouiller de même. Mais, côté après année, on se rappelle, il y a des années, on avait une version qui était, je pense, c'est 2015, une version qui était assez proche de NHL, qui manquait plein d'affaires, hein, qui était remplie de bugs. Cette année, on peut dire qu'on a un complet, il manque peut-être un petit peu de crémage, justement, les coachs, les animations peut-être un petit peu plus belles. C'est quand même beau, mais on voit quand même beaucoup de jumeaux dans la foule, ils font souvent les mêmes affaires. Un côté ambiance, la langue française pour la lecture de jeu, ce serait super, mais encore là, est-ce qu'il irait chercher du français de France ou il irait chercher les McGuire? Ben tant qu'à moi, j'en dirais le team à avoir, si on mettrait ça dans le team, mais ça, c'est sans delà de nos capacités. C'est sûr que le Québec puis la France, il doit se vendre autant de jeux en France des NHL quasiment qu'au Québec. C'est 50 millions contre 5 millions, mais quand même, tu sais. En tout cas. Bon, le joueur français pourrait, mais il prime vraiment sur. Sur les autres jeux, celui-là, ils nous ont pas laissé un jeu plat cette année. C'est pas un jeu. Les améliorations valent quand même le changement parce qu'à chaque année, on se dit bah ça vaut la peine. Oui, cette année, c'est pour les améliorations au mode one, puis tout ça, on peut le faire, mais sinon, ça vaut pas vraiment trop la peine de. C'est côté gameplay, juste le niveau des améliorations au niveau des pucks, les animations, le fait que le joueur va envoyer la rondelle à la bonne place. Les gardiens ont été améliorés ici, fait qu'on a des gardiens plus. Qui vont se garocher, qui vont tout faire pour essayer d'arrêter la rondelle, qui vont faire des passes, des retours, pas des retours n'importe où, ils vont faire des retours pour essayer de t'aider à ramasser le jeu. En 2019, les retours, des fois, c'est la salle désirée, puis souvent, ils remettaient la poque sur le bâton de l'adversaire, puis ils étaient dans le but, mais là, cette année, ça arrive beaucoup moins souvent. Oui, il y a quelques bugs par-ci par-là, des fois, mais ça fait partie d'un jeu. Il y en a dans Madden, il y en a dans FIFA, il y en a dans pas mal de tout, on en retrouve même dans MLB, fait que ça veut pas, ça reste un des affaires qu'on voit une fois de temps en temps, mais tu sais, il n'y a rien qui va venir nuire à l'expérience de jeu. Ce qui est plate cette année, c'est ceux qui jouent avec la musique. La musique est plate des menus, mais on s'en fout, on la coupe, le problème est réglé. Mm. Je dirais, c'est des petites choses qui font que c'est. Il n'y a qu'une des améliorations qui font que le jeu est meilleur, mais il y a le fait qu'il manque de nouveautés, il manque comme je disais tantôt, d'écrémage ou quelque chose, on peut pas dire que le jeu est si meilleur avec ça. Côté notre, nous, on a été relativement la même que l'année passée, là. Fait que c'est, le jeu est le fun, mais on est rendu, on en veut plus, là. Tu sais, de pousser une étape de plus, on est rendu à en vouloir plus, parce qu'il commence à être trop pareil, puis à un moment donné, il faudrait qu'on nous en donne plus, mais comme on dit, Madden, c'est pas Madden, mais NHL, c'est NHL, il manque de volonté, je pense, mais ils ont fait quand même une expérience vraiment le fun cette année, puis personnellement, c'est un bien de fun à y jouer, puis on sent la vitesse des joueurs et tout, là, fait que c'est vraiment plaisant à ce niveau-là. OK. Comment tu y donnes? Un gros 8 sur 10. Comme si, relativement comme le 2019 l'année passée, parce que les changements, ils font que le jeu est meilleur, mais il n'y a pas assez de changements pour dire que le jeu est supérieur à l'expérience. Là, tu sais, oui, le jeu vaut la peine d'être changé, mais c'est une expérience dans son ensemble aussi bonne qu'on avait en 2019, qu'on n'avait rien d'autre. Là, on avait un bon jeu, on avait une chose, mais cette année, on a cette expérience-là. Mais tu sais, ça nous donne une raison de changer, parce que je vous dirais, on se demande chaque année, ça vaut-tu vraiment la peine de passer d'un échelle 19 à une échelle 20 pour les joueurs qui sont mis à jour, les affaires de même. Cette année, oui, le changement vaut la peine. Puis il va savoir ce qu'ils nous promettent dans le futur, mais à date, je sais pas trop où je vais s'en aller avec les PS5 et les Xbox. Puis les Xbox, puis la nouveauté aussi là, qui s'en vient. Là. Je pense qu'on est à une console. On est à une console près de ne plus avoir de console de jeux vidéo. Là. Je pense que la PS5. Avec Stadia qui s'en vient, oui, on s'en allait par là, je sais pas. Là. On est à une console, là, je pense, d'avoir de ne plus avoir de jeux vidéo. René, on se parle la semaine prochaine de Madden. On fait une courte chronique de Madden puis de FIFA en même temps, vu qu'on n'a pas été capable de se parler. Ça va être bon. OK. René. Après ceux-là, on va essayer de mettre la main sur le NBA parce qu'on paraît qu'encore cette année, c'est un bon jeu. Ah, regarde, c'est le meilleur jeu des jeux vidéo de sport, tout confondu. Moi, là, ben, j'ai pas vu la lutte, j'aime pas la lutte, fait que je la jette pas, là. Mais LMB de show, puis NBA 2K, là, c'est les deux meilleurs jeux vidéo de sport. Il n'y a aucun doute là-dessus. La manière que c'est fait, le graphique, les petits détails, c'est s'il n'y a rien qui bat ça. On se parle la semaine prochaine, René? Ouais, pas de problème. René Cadieux du site internet game-focus.com.